إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Nous en sommes donc arrivés, lors de la dernière assise, aux différentes adorations que l'auteur, le Cheikh l'Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala a mentionné. Et nous avons vu dans le dernier cours trois adorations immenses qui sont l'invocation, la peur et l'espoir. Et on a vu leurs catégories et on a vu dans quel cas vouer ces actes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme de l'association majeure. Et je voudrais brièvement revenir sur un point qui concerne notamment la peur et l'espoir. Dans quel cas vouer la peur et l'espoir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme de l'association majeure. C'est de l'association majeure lorsque cette peur et cet espoir sont accompagnés de vénération envers l'être dont tu as peur ou dont tu espères une chose. Lorsque tu as peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet d'une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accomplir. Comme le fait d'avoir peur d'une personne qu'il te prive de descendance. Et il en est de même pour l'espoir. Le fait que tu espères d'une créature une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Comme le fait d'espérer qu'une créature te guérisse d'une maladie. Ou d'espérer qu'une créature te pardonne tes péchés ou te fasse entrer au paradis. Donc lorsque tu espères d'une créature une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, alors ceci est considéré comme de l'association majeure. Je voulais juste revenir sur ce point afin de le clarifier un peu plus. Dans l'assise de ce soir, Inch'Allah ta'ala, nous allons donc voir plusieurs adorations, et notamment la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit « wa dalil al-tawakkul » et la preuve concernant le tawakkul. C'est-à-dire la preuve que le tawakkul, la confiance en Allah, est une adoration. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes croyant. وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Ainsi que sa parole, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Le tawakkul, la confiance en Allah, elle consiste à t'en remettre et à confier toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, avec certitude, que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de concrétiser tes affaires. Tu t'en remets donc à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement dans toutes tes affaires. Et ceci est le tawakkul, qui fait partie des plus immenses formes d'adoration que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le premier verset mentionné par l'auteur, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes croyant. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Et en Allah, placez votre confiance, c'est-à-dire en Allah et en nul autre que lui. Car le fait qu'il ait fait précéder sa parole, وَعَلَى اللَّهِ, et en Allah, avant le verbe, cela montre que le tawakkul est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Il a donc mis comme condition de la foi le fait que tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre que celui qui ne place pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'est pas réellement croyant. Le tawakkul, la confiance, c'est donc une adoration immense. Et le croyant, il voue constamment cette adoration à Allah. Dans toutes ses affaires, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, il fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-wakil, c'est-à-dire celui à qui sont confiés l'ensemble des affaires de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul est donc une adoration qui est réservée exclusivement à Allah et il n'est pas permis de dire « J'ai placé ma confiance en un tel ». Tawakkaltu ala fulan, car le tawakkul, comme on l'a dit, est une adoration et l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait que tu charges une personne parmi les créatures d'accomplir une chose, ceci ne s'appelle pas dans la langue arabe tawakkul, mais cela s'appelle at-tawkil, le fait de déléguer une affaire, le fait de charger une personne d'accomplir une chose. Et ceci est connu entre les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même délégué des tâches à certains de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. La délégation, le tawkil, est donc différent de tawakkul, de la confiance. Car le tawakkul, c'est une adoration, elle est donc réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est donc pas permis de dire « J'ai placé ma confiance en un tel parmi les créatures. » Mais tu ne places ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, il fait partie des caractéristiques et des qualités des croyants. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 2 de Surat al-Anfal, décrivant les vrais croyants, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ensuite, il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Il fait donc partie des caractéristiques des croyants qu'ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils vouent cette adoration immense à Allah subhanahu wa ta'ala et à nul autre que lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de toutes choses. Et c'est lui le possesseur de toutes choses. Il est celui qui est capable de réaliser pour toi ce que tu souhaites. Quant aux créatures, il est possible qu'il réalise la tâche que tu lui délègues, mais il est possible également qu'il n'y arrive pas et qu'il n'en ait pas les capacités. Et lorsque tu délègues une tâche à une personne, tu dois malgré tout placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour la réalisation de cette chose. Ensuite, il est important de savoir que le tawakkul, la confiance, elle ne s'oppose pas au fait d'accomplir les causes. Donc le musulman, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout en accomplissant les causes. Et il n'y a pas d'opposition entre la confiance en Allah et le fait de faire des causes. Tu fais donc des causes qui t'ont été ordonnées et en plus de cela, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu accomplis ces causes, mais tu ne t'en remets pas à ces causes. Tu t'en remets seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, on va mentionner le cas du paysan qui plante des graines dans la terre. Il a fait en cela une cause. Cependant, il ne doit pas s'en remettre à cette cause. Et penser qu'à partir du moment qu'il a planté ses graines, qu'il a arrosé sa terre, alors il aura forcément des plantes ou des fruits ou des légumes qui vont pousser. Mais il doit placer sa confiance et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour que pousse cette plantation. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les versets 63 et 64 de Surat Al-Waqi'a, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui fait pousser ses plantes, ses fruits et ses légumes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme, il ne fait que la cause. Il fait les causes. Il accomplit ce qui lui a été ordonné et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible que cette plante pousse, il est possible qu'elle ne pousse pas. Il est possible qu'elle pousse, mais qu'elle ne soit pas comestible par exemple. Donc, Le serviteur, il accomplit ses causes et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, les conditions du tawakkul, elles sont au nombre de trois. La première condition, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Comme il est venu dans le verset, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit, il n'aura besoin de nul autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont dit que s'il n'avait été révélé comme preuve du mérite de cette adoration immense, qui est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que ce verset, alors cela serait suffisant pour nous montrer le rang éminent et important de cette noble adoration qui est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition du tawakkul donc, c'est la connaissance d'Allah, que tu aies la certitude qu'Allah te suffit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Dans le hadith rapporté par Omar, radiyallahu ta'ala anhu, et authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et ils rentrent le soir rassasiés. Ils se lèvent le matin et qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent les causes. Ils volent dans le ciel, ils cherchent sa subsistance. Et le soir, ils rentrent dans son nid et il est rassasié. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé sa subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit. Comme il se doit, c'est-à-dire en respectant les trois conditions que l'on va mentionner. Dont la première est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et ils rentrent le soir rassasiés. Donc, la première condition du tawakkul, c'est la connaissance d'Allah. Que tu aies cette certitude. Tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Et le tawakkul, il est donc accompagné de cette certitude. Et c'est pour cela que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a réuni entre ces deux adorations dans son livre Riyad al-Salihin. Il a intitulé dans celui-ci un chapitre Bab fil yaqin wa tawakkul. Chapitre au sujet de la certitude et de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit en commentaire de ce titre que l'imam al-Nawawi a réuni entre ces deux adorations en un seul chapitre car la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est un des fruits de la certitude. La confiance en Allah est un des fruits de la certitude. Celui qui n'a pas la certitude quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Celui qui n'a pas la certitude quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa subsistance et lui a écrit sa subsistance, alors il ne placera pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est important de concrétiser tout d'abord la première condition qui est la connaissance d'Allah. Et cette connaissance, tu vas l'approfondir en étudiant la science religieuse, en étudiant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sens de ses paroles, ses noms et ses attributs, et en étudiant la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition du tawakkul, c'est le fait d'accomplir les causes. Tu dois donc accomplir les causes pour atteindre ce que tu souhaites accomplir. Tu souhaites obtenir ton rizq, tu dois faire des causes pour cela. Tu souhaites obtenir ta subsistance, tu dois travailler, accomplir des causes, faire du commerce ou toute autre chose qui te permettront d'obtenir ta subsistance. Tu souhaites te marier, tu dois accomplir des causes pour cela et tu ne dois pas rester comme cela à ne rien faire. Tu souhaites apprendre la science, tu dois faire des efforts pour cela. Tu dois faire des causes et ceci ne va pas venir subitement. Et après cela, tu dois concrétiser la troisième condition. Et quelle est la troisième condition du tawakkul? C'est le fait de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et non aux causes. C'est-à-dire que tu accomplis ces causes, car il t'a été ordonné d'accomplir les causes. Mais tu sais que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui te permettra d'atteindre ce que tu souhaites. Donc, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à ses causes. Et les gens au sujet des causes, ils sont de trois catégories. Il y a certaines personnes qui accomplissent les causes et s'en remettent seulement à ses causes. C'est-à-dire qu'ils oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut leur permettre d'atteindre ce qu'ils recherchent. Ils font ses causes et s'en remettent à celles-ci. Et ceci est une erreur. La deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui n'accomplissent pas de causes. Ils ne font rien, ils restent là, à ne rien faire, et ils pensent avoir sa subsistance. Ils pensent qu'il va apprendre le Coran, qu'il va apprendre la science, sans accomplir aucune cause. Ceci est également une erreur. Et la troisième catégorie, c'est celle du juste milieu, qui sont ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui accomplissent les causes, puis qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à ses causes. Enfin, pour terminer, sur le tawakkul, il est important de rappeler des catégories du tawakkul. La première catégorie, c'est le fait de t'en remettre à Allah dans toutes tes affaires, en te suffisant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et te contentant de lui pour la réalisation des bienfaits, et également de repousser de toi l'ensemble des méfaits et des nuisances. Tu t'en remets donc à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de vouer cette adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de polythéisme majeur. La deuxième catégorie de tawakkul, la deuxième catégorie de confiance, c'est le fait qu'une personne s'en remette à un être vivant avec un sentiment d'infériorité et de dépendance. Et ceci est une forme de polythéisme mineur. Le fait de t'en remettre à un être vivant avec un sentiment d'infériorité ou de dépendance, comme c'est le cas de nombre de personnes qui aujourd'hui s'en remettent pour leur subsistance, par exemple, aux aides de l'État. Et ils pensent que sans ces aides, ils ne pourront plus vivre. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains, parmi nos frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation à tous, ont peur par exemple d'accomplir la hijra, d'émigrer sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils se disent, ici j'ai des aides, ici, lorsque je suis malade, je vais à l'hôpital, je me fais soigner, etc. Il s'en remet donc en cause avec un sentiment de dépendance. Il pense qu'il dépend de ses causes. Et il oublie que ses causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité ses causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis à ta disposition. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'en priver, il t'en privera alors, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ta subsistance et te préservera dans ton corps, dans ta santé et dans tes biens tant que tu t'en remets à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'en remet à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah le confie à cette chose. Ils font donc faire très attention à cette forme de polythéisme mineur qui est très répandue au sein des musulmans et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ » Et la preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, « Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir et effroi » et ils étaient humbles devant nous. Donc avec ce verset, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a prouvé que ces trois actes sont bel et bien des adorations. Ar-raghba, le désir, c'est le fait de rechercher une chose qui est louable. C'est donc semblable à l'espoir, ar-raja que l'on a vu la semaine dernière. Et ar-raghba, l'effroi, il est semblable à la peur. Et certains gens de science ont dit que c'est une peur qui est suivie d'un acte, comme par exemple le fait d'avoir peur d'une chose et de prendre la fuite, de fuir de cette chose. Et al-khushu', c'est l'humilité. Et c'est le fait de t'avilir et de t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des plus grandes formes d'adoration. Et c'est la servitude induite par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte à ce qu'elle engendre chez toi la soumission au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te soumets à cela par humilité et par avilissement devant Allah subhanahu wa ta'ala et ceci fait partie des plus hauts degrés de l'adoration. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit ses serviteurs pieux et ceux afin que l'on les prenne pour modèle, afin qu'on les prenne pour exemple et qu'on se pare de ces caractéristiques desquelles ils se sont parés. Il a dit subhanahu wa ta'ala « innahum » ils, c'est-à-dire les prophètes. Car dans Surat al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué le récit de plusieurs prophètes. Et après cela, il a dit « innahum » كانوا يسارعون في الخيرات. Ils concouraient au bien, c'est-à-dire qu'ils s'empressaient de faire le bien. Et ceci fait partie des caractéristiques des prophètes, alayhim salatu wa salam, mais également des pieux qui suivent leur chemin et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Donc les prophètes, alayhim salatu wa salam, ils s'empressaient de faire le bien. Ils n'étaient pas paresseux, mais ils concouraient au bien et s'empressaient de l'accomplir. Le musulman, il doit donc les prendre pour modèle en cela. Il doit également se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fastabikul khayrat » dans le verset 148 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fastabikul khayrat » rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Le serviteur donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite les causes d'accomplissement d'une obéissance ou d'une adoration, alors il est obligatoire pour toi de t'empresser d'accomplir cette œuvre et de ne pas la retarder. Car il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala place entre toi et cette œuvre une chose qui t'empêchera de l'accomplir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas reporter les choses au lendemain. Mais dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les causes d'une adoration, alors empresse-toi d'accomplir cette adoration. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 24 de Surat al-Anfal, « Ya ayyuha alladhina amanu » استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Donc lorsqu'il t'est facilité les causes d'accomplissement d'une adoration, empresse-toi de la mettre en pratique. Ne retarde pas cela à plus tard, mais empresse-toi de la mettre en pratique dès maintenant, avant qu'une chose t'empêche d'accomplir cette chose. Combien de personnes souhaitaient accomplir certains actes, puis après ils se sont vus éprouvés par certaines choses, par certaines maladies, qui les ont empêchés de mettre en pratique ces œuvres. Donc mets-les en pratique aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, décrivant ses prophètes, alayhimu salatu wassalam, وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا, et ils nous invoquaient par désir, c'est-à-dire désirant ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et désirant obtenir ce qu'il recherche. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, et ils nous invoquaient par désir et par effroi, c'est-à-dire par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde et espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie pas et ne les prenne pas pour leurs péchés ou pour leurs erreurs. Ils désirent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps, ils ont peur de son châtiment. Donc ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par peur et par espoir, par désir et par effroi, car ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et qu'il est le seul à pouvoir leur accorder le bien et les préserver du mal. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, et ils étaient humbles devant nous, c'est-à-dire humiliés, avilis et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc réuni entre ces trois caractéristiques qui sont le désir qui est semblable à l'espoir, l'effroi qui est semblable à la peur et al-khushu', l'humilité. Telles sont les caractéristiques des prophètes, alayhimu salatu wassalam, et ces trois caractéristiques font partie des plus nobles adorations. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous les a mentionnées comme on a dit, c'est pour qu'on les prenne pour modèle en cela. Et que nous-mêmes, nous adorions Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous l'invoquions par désir et froid, tout en étant humbles devant lui. Et il y a dans ce verset une réfutation des soufis. Ceux qui disent qu'ils n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala non pas en désirant sa récompense et non pas en ayant peur de son châtiment, mais simplement parce qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une parole fausse. Ceci est une parole erronée. En effet, Les prophètes, alayhimu salatu wa salam, comme on vient de le voir dans ce verset, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoraient par désir et par effroi alors qu'ils sont les meilleurs de la création. Donc comment peut-on prétendre atteindre un degré plus élevé et plus éminent que le degré et le rang des prophètes alayhimu salatu wa salam? Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « Wadalilul khashya » قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. Et la preuve concernant la crainte, c'est-à-dire la preuve quant au fait que la crainte est une adoration, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ne le craignez pas, mais craignez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné de le craindre lui seul sans associé et de ne craindre nul autre que lui. Ceci nous prouve que la crainte est une adoration. Et la crainte, c'est une forme de peur. C'est une peur plus particulière. Certains ont dit que la crainte, c'est une peur accompagnée de vénération et de connaissance de celui que tu crains. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au verset 28 de Surat Fatir, « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. » Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. C'est-à-dire seuls ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont atteint la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-khashya. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi l'ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Et les catégories d'al-khashya sont les mêmes que les catégories de la peur. Il y a la crainte d'adoration et la crainte naturelle. Donc ce qui est dit pour la peur est valable également pour la crainte et également pour l'effroi que l'on a vu précédemment. On va s'arrêter là pour ce soir et on verra les dernières adorations que l'auteur rahimahullah a mentionnées lors de la prochaine assise. Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.